Bonjour à toutes et tous, nous sommes le jeudi 12 mars, il est 10h et nous sommes en direct de Radio Gemozo. Bienvenue dans Les Oreilles du Monde, l'émission proposée par Les Mondes d'Utopie. Du Flo. Coucou Nanou, bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça va bien, le soleil est de retour, donc tout va bien. Eh ben parfait. Donc au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposons de revenir brièvement sur Concerts d'hiver avec Flo, et ensuite on vous proposera notre nouvel événement Repas Concert qui se déroulera le 4 avril à Rochesson, à la salle des fêtes, comme d'habitude. En deuxième partie d'émission, Flo nous présentera Molo Sayat, le premier groupe de cette soirée. Et nous finirons par la découverte et l'interview du deuxième groupe, La Base. Alors Flo, en quelques mots, comment s'est déroulé Concert d'hiver? Donc en quelques mots, Concert d'hiver, c'était le 22 février dernier. Donc c'était l'ouverture de notre saison culturelle 2020. Ça s'est hyper bien passé, on est contents, les retours sont positifs, que ce soit des artistes autant que du public. Donc on a accueilli trois groupes. En premier, La Petite Huguette, un groupe local de swing, chansons swingées. Ensuite, on a accueilli un brass band qui a mis le feu à la salle, les Tousdeck qui venaient de Grenoble. Et pour finir, sur une petite touche électro, musique du monde, avec l'ex-groupe d'Eyosan qui s'appelle aujourd'hui Lee Wall. Et c'était vraiment fantastique. Donc on a accueilli, on était environ 200 dans la salle. Je pense 160 personnes, 170 personnes. Donc voilà, content, un événement positif sous toutes ses formes. Et donc voilà, hyper content de cet événement. Donc là, on a hâte de passer au deuxième événement de l'année qui se déroulera le 4 avril et dont on va vous parler dans quelques minutes. Voilà, dont on va vous parler maintenant. Alors notre deuxième événement de l'année, qu'est-ce que c'est ? Repas concert. Comme son nom l'indique, c'est un repas avec des concerts et qui vous invitera à découvrir des saveurs et des sonorités venues d'ailleurs dans une ambiance festive et colorée. Je précise aussi que c'est la troisième édition de notre repas concert et que c'était Flo, si je ne me trompe pas, le premier événement de l'association Les Mondes d'Utopie. C'est exact, c'était ouais, le premier événement, oui, en 2017, ouais, en avril avec 2017. Le couscous concert. Oui, c'est ça. Et donc là, on va fêter les 3 ans du premier événement de l'association Les Mondes d'Utopie, et c'est trop chouette. Donc cette année, le repas concert sera placé sous le signe des Balkans. Notre événement ouvrira ses portes à 19h30, et au menu. Alors, au menu, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura une salade de l'Est, accompagnée de sa sauce coriandre, déjà, et on ne vous dit pas tout, hein. Là, je vous dis simplement les grandes lignes. Après, en plat chaud, on vous proposera un borek. Alors, le borek, c'est un feuilleté traditionnel à base d'épinards et de feta qui se prépare depuis le Moyen-Âge en Albanie, en Serbie, en Bulgarie et en Grèce. Et ce borek sera accompagné de sa viande de bœuf. Et en dessert, on vous proposera un fabuleux gâteau maison aux douces notes méditerranéennes de fleurs d'oranger, d'amandes et de miel. Et moi, ça me donne envie maintenant, dis donc. Donc voilà pour le repas. Comme boisson, on vous proposera comme d'habitude différents softs, donc du jus de fruits, de la ginger beer, des tisanes, du café, peut-être de la limonade et du coca maison, en fonction des bénévoles, si on a le temps de les préparer. Et on vous proposera également du vin bio et de bière artisanale, la Golaille et la Tumulte. La Golaille qui vient de Xertigny. Et la Tumulte de Manière. Voilà, à côté de Rambervillers. Voilà pour le repas et la boisson. Les tarifs. Pour le repas concert, c'est 12 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents, les concerts seuls, 6 € pour les adhérents et 8 € pour les non-adhérents. À savoir que l'adhésion par an est de 5 € minimum. Donc ça veut dire que vous pouvez adhérer sur place à notre association et vous aurez des tarifs pendant toute l'année sur nos événements. Voilà, voilà pour ce qui est des tarifs. Donc comme je le disais tout à l'heure, on ouvrira nos portes à 19h30. Le repas commencera vers 20h, 20h30. Oui, 20h, je pense. Voilà, 20h. Et les concerts débuteront à partir de 21h. C'est exact. Voilà, donc... Et pour petit rappel, pour les adhésions, en fait, cette année, vous avez quand même encore 6 événements à partir de maintenant, à partir du repas-concert, il y a 6 événements, donc ça vaut vraiment le coup de bénéficier de tarifs réduits en étant adhérent à l'association. Et c'est aussi un soutien incroyable et incommensurable d'être adhérent à notre association. Ça nous donne plus de visibilité. Et vous recevrez notre petite newsletter et de nos nouvelles. Donc c'est sympa, on restera en contact. Alors les concerts, comme je le disais, débutent à partir de 21h et le premier groupe, c'est Molo Sayat, un groupe belge que Flo va vous présenter maintenant. Oui, alors c'est un peu dommage, on ne les a pas en interview, mais du coup je vais vous présenter un peu Molo Sayat, qui est un groupe qui vient de Bruxelles, mais c'est un groupe cosmopolitain puisqu'ils ont tous des origines différentes. Donc Molo Sayat, c'est la rencontre de Paul Seif, qui est chanteur libanais, passionné de musique méditerranéenne et d'instrumentiste européen. L'ensemble aux multiples facettes est composé de 7 musiciens. Donc vous retrouverez de la guitare, du violon, du saxophone, de la trompette, de la clarinette, de la contrebasse, des percussions, du oud, du bouzouki, du bouzouk, de la mandoline, de la flûte traversière, du trombone et de la batterie. Et tous ces instruments y répondent en chœur et à contretemps au chant pour se retrouver à l'unisson dans un cri multiple. Donc pour la petite histoire, Molo Sayat s'est né en 2011. Il puise dans les racines entremêlées de l'Orient et de l'Occident. Les musiciens de Molo Sayat, qui sont de très bons musiciens, tendent leur oreille vers les traditions musicales d'ailleurs. Le répertoire du groupe a établi son camp autour de la Méditerranée sans renoncer à parfois s'enfoncer dans les terres. Donc Molo Sayat, c'est des chansons d'amour grec, des hymnes et poèmes gitans, des rythmes festifs et syncopes, des comptines libanaises, des paroles slaves sur swing manouche et aussi sans passer par des chants révolutionnaires siciliens. Donc il y a un peu j'ai pris quelques petites descriptions un peu poétiques, donc je vais commencer la partie poésie autour de Molo Sayat. Dans le grand nulle part des battements des cœurs ancestraux, à travers les racines vivaces qui résistent sous les ruines, les pieds en mouvement, le soleil dans les yeux, à l'unisson pour un cri multiple. Molo Sayat chante, Molo Sayat entonne la tristesse comme la joie, fredonne la fête et la douleur, joue la nuit et le jour, sans lamentation ni ambition, le bâton du voyageur au poing, trouvert sans frontières sur un chemin sans fin. La pluie force parfois des voyageurs à s'abriter sous un même arbre et ainsi faire connaissance. Chacun met alors au sec, sur la plus grosse racine, ce qui dans son baluchon peut être partagé. On parle de sa destination et du chemin parcouru. Des conseils et des rires et du vin s'échangent et le temps s'arrête. La pluie tombe, parfois au bon moment, irrigue paroles et projets. Le groupe de musique acoustique apatride Molo Sayat n'a pas vu le jour sous un arbre ni dans une étoile, mais il est certainement composé de voyageurs qui se sont retrouvés au bon moment et qui ont décidé de faire un brin de route ensemble. Sous l'étendard universel et délavé de la musique, cela ne s'est pas fait en un jour ni en 7, et c'est goutte à goutte que les différents membres ont rejoint la formation au fil des concerts, des lieux où ils répétaient, vivaient, étudiaient et festoyaient. Petit à petit, comme l'oiseau qui se tricote un bonnet, une énergie et une envie commune s'est épanouie, jouée ensemble, encore et partout, de ces mélodies qui viennent de loin et transportent. Ils étaient voyageurs solitaires, la pluie a fait d'eux des frères. Donc voilà, on a hâte de découvrir Molo Sayat. Oui. C'est 7 musiciens qui viennent de Bruxelles, quand même dans les Vosges. Ils ont peu tourné en France, ils ont fait pas mal de dates à Beyrouth, au Liban, là d'où vient Paul et où il vit à mi-temps avec la Belgique. Donc voilà, venez vraiment découvrir ce groupe fabuleux. J'ai pas d'autres mots à découvrir. On va vous faire écouter un extrait de Molo Sayat tout de suite. Premier extrait de Molo Sayat, Aksam Engenzel. C'est bon, Flo, je l'ai bien, oui, j'ai bien prononcé. Ça. C'est parti. Thank you. Doğru olan her şeye de biraz öfke, biraz yelenik vardır de bir kısa. Cam incil inci şarapta incilir yaşam. Acıdan kırmızı ya ölüm, hüzünden beyaz aa. Ve bir gel gelirse boyun hayrımından gelir mutlaka nasıl. Akşam en güzel masaldı, iyi anlatılırsa. Akşam en güzel masaldı, iyi anlatılırsa. Şimdi elimizle kurduğumuz gurbeten daha zor bir zor gün yok otu. Yaşasak da yaşamasak umuda ben sohara hüküm ki. Günün saltanat devrinden ne sedikse bugün de bana kaldı yasa dünkü. Acı yak da döndürsün, hüzünü döndürsün elmasa. Akşam en güzel masaldı diyarlanırsa. Biraz öfke, biraz yelenik var bir de bir kısa. Cam incil inci şarapta incilir yaşam. Acıdan kırmızı ya ölüm, hüzünden beyaza. Ve bir gel gelirse boyun hariminden gelir mutlaka ve nasılsa. Akşam en güzel masaldı, iyi anlatılırsa. C'était le premier extrait de Molo Sayat. Aksem en Güzel, une composition de Molo Sayat sur base du poème Dogonum Gurbetleri de Ilmiz Yavuz. Donc on va enchaîner tout de suite avec Furn El Shebak, un morceau qui a été enregistré d'ailleurs au Liban en avril 2019. Donc voilà, je vous laisse découvrir Furn El Shebak. C'est parti. Thank you. مش قصة كل حركة فرتك بيتكي وطرت البوسان قصتك مش قصة كل حركة فرتك بيتكي وطرت البوسان نات علي قامي ورأس مشامي وبصوتك خامي كل ندعى C'était le deuxième extrait de Modo Sayat, Fournel Chebbak. Oui, et on va tout de suite continuer sur un nouvel extrait, mais cette fois une chanson sicilienne qui s'appelle Aioli. C'est parti. T'as quelque chose à dire dessus, Flo, Aioli ? Bah, pas vraiment. Je vous laisse découvrir Aioli. En fait, c'est pour ceux qui connaissent la Napoli, c'est un peu sous aux mêmes influences. Voilà. Mais c'est une de leurs compositions. Donc, je vous laisse écouter Aioli de Modo Sayat. Betute sama Mangesite jaftar badi kama vadinici Marco Marco muroshavo le betute sama Mangesite jaftar badi kama vadinici Che marosite Asfali si te mamu, tai buk si te kera Ke buzile shavora, ke buzile shavora Ke nasvali ξύτε μάμο, τα υπουξύτε κέρα. Και μπουτσιλέ σαβόρα, και μπουτσιλέ σαβόρα. Και μαν ρωσίτε ρωτά. Λέπε τούτε σάμα. Μαγκεσίτε τσαφτάρ βάδι, κάμα φάδι νίτσι. Μάρκο, Μάρκο, μουρό σάβο, λέπε τούτε σάμα. Μαγκεσίτε τσαφτάρ βάδι, κάμα φάδι νίτσι. Και μαν ρωσίτε ρωτά. Molossayat pour vous, messieurs, dames. Bon, j'espère que vous êtes bien réveillés en ce matin, en ce jeudi matin, avec ce beau soleil qui pointe le bout de son nez après quelque temps qu'il avait disparu dans les Vosges. Donc voilà, on vous emmène une petite touche libanaise de la Méditerranée aux Balkans avec ce groupe Molossayat. Donc je tenais un peu à rappeler qu'au monde de l'utopie, on aime bien les exceptions, on aime bien emmener des musiques d'ailleurs et qu'on a peu l'habitude d'entendre. Donc voilà, Molossayat, ils viennent de Bruxelles. Ils font le déplacement pour vous, alors n'hésitez pas à venir à notre repas concert qui se déroule le 4 avril à Rochesson. Je tenais à rappeler aussi que les réservations sont fortement conseillées parce qu'on a une jauge pour le repas. Donc voilà, les réservations se font auprès de Nanou au 07 67 74 61 21. À force de l'écrire, il le connaît par cœur, mon numéro. Non, ça va, j'ai une bonne mémoire sur les numéros. Donc voilà, à découvrir Molossayat, et puis on va tout de suite découvrir le deuxième groupe de la soirée, qui envoie du lourd aussi, et qui nous vient de Strasbourg. Donc Nanou va nous faire un petit descriptif du groupe. Deuxième groupe de la soirée. Excusez-moi, c'est un hiver sans être un hiver bien humide, donc par conséquent... On tombe tous un petit peu malades. Donc, la base, ce trio est né en 2018 et composé d'un djembouche, donc c'est une sorte de banjo méditerranéen, un saxophone, une batterie électronique. Les trois musiciens jouent aussi avec des samples et un modulateur, ce qui permet pas mal d'effets. Et ils marient avec subtilité la frénésie des mélodies orientales au minimalisme des musiques électroniques, créant ainsi une fusion des styles et un post-belly dance unique en son genre. Tout de suite, je vais vous faire découvrir Felfel, une des musiques de la base, qui avec en plus de ses trois instruments, ils ont ajouté du darbouka et de la basse, et c'est vraiment pas mal. C'est parti, Felfel. C'était Felfel de La Base. Et nous allons accueillir en direct Christos. Allô Christos, tu nous entends ? Allô, allô, bonjour. Eh, hey, salut. Salut. C'est Flo qui est avec nous. Ok, chouette, enchanté. Comment ça va Christos ce matin ? Ça va super bien, ça va super bien. On te remercie de ta présence hein, par téléphone pour cette interview qui nous fait super plaisir. Et on est aussi super ravis de faire découvrir votre groupe en direct sur Radio Gemozo et aussi lors de notre repas concert. Alors Christos... Merci de me recevoir en tout cas, c'est cool. Eh ben super. Alors, c'est toi qui es sous le soleil marseillais. C'est ça. Ok. Alors bah, Christos... on a le soleil ce matin. Ah chouette. D'Ivoire, toi, de quel instrument tu joues dans La Base ? Alors moi, je joue un instrument d'origine turque qui s'appelle djumbush. Et c'est un instrument un peu bâtard. C'est un instrument qui a été inventé au début du XXe siècle. C'est en gros un oud avec un corps de banjo. Donc c'est un peu une sorte de oud un peu ouvrier, un peu prolétaire, quoi. C'est un instrument qui craint pas grand-chose, contrairement au oud. Et c'est un instrument qui est joué pas mal en Turquie, autant dans les villes qu'à la campagne. Ok, d'accord. Parce que moi, je me suis renseigné sur le djumbush. C'est comme ça qu'on le prononce ? Il dit djumbush, mais c'est pas très grave. Ok, un djumbush. Et en fait, j'ai vu que c'était une sorte de banjo méditerranéen, on peut dire ça aussi ? Ou c'est pas très... Non, c'est vraiment que joué en Turquie, en fait, cet instrument-là. C'est d'accord. Vraiment que là-bas, quoi. Ouais. Ok, ok. Alors, Christos... Première question de notre interview, La Base. Vous vous êtes nommé ainsi. Et moi, j'aimerais savoir pour quelle raison. Ça m'intéresse toujours, le nom des groupes. S'il y a une signification particulière. Mais je crois que quiconque a fait un groupe de musique s'est retrouvé face à cette situation de trouver un nom de groupe. Et c'est toujours très compliqué. Eh bien oui, mais oui, c'est toujours très compliqué. J'arrive pas à retracer tout le trajet chaotique qui nous a amené à ça. Et je peux même plus dire, en fait, d'où c'est sorti, en fait. Voilà, là, c'est juste la vérité. Ouais, c'est La Base, quoi. Voilà, c'est La Base. C'est le début. On peut dire ça, ouais. Ok. Alors, votre groupe est né en 2018 entre Bruxelles, Marseille et Strasbourg, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça, ouais. Comment s'est faite votre rencontre, Christos, et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer et de composer ensemble ? Alors, du coup, là, on est un peu éparpillés géographiquement, mais en fait, on se connaît tous de Strasbourg. Ok. Avec Stéphane et Paul, du coup moi avec Stéphane, ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Il y a plus de 10 ans, on avait déjà fait un groupe de musique ensemble, on a fait plusieurs choses ensemble. Ah, t'étais aussi à Strasbourg en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais aussi à un moment à Strasbourg. Tu fais partie de toute la petite communauté là-bas, quoi. Un peu, ouais, pendant un temps en tout cas. Et après, moi, j'ai bougé aussi. Après, tout le monde s'est un peu éparpillé. Il y a Paul qui est resté à Strasbourg. On s'est rencontrés un peu plus tard avec Paul, mais voilà, ils ont joué ensemble avec Stéphane aussi. Du coup, c'est plutôt qu'en fait, chacun a suivi un peu ses routes, à bosser certaines musiques, à passer du temps dans certains pays, etc. Et à un moment, on s'est tous redit, hein, mais ce serait chouette, en fait, de maintenant qu'on a tous fait un peu notre chemin de notre côté, de voir un peu où on en est et de faire un truc ensemble, quoi. Ah, c'est cool. Ouais, donc en fait, ça fait que vous avez évolué un peu chacun de votre côté, avec vos instrus, avec vos influences, et après vous vous êtes retrouvés pour La Base, pour créer La Base. C'est ça, ouais. Ok, alors d'Ivoire, quel genre musical vous inspire pour vos compos ? Alors, du coup, c'est... Moi, je crois que j'arriverai à dire, pour une zone géographique, ce serait l'Est de la Méditerranée, okay. Plutôt, en mettant dedans aussi une part des Balkans. Ouais. Donc là-dedans, il y a des musiques assez différentes, mais il y a des choses qui les unissent toutes, en fait, ces musiques-là. Donc déjà, c'est des musiques, j'ai pas envie de rentrer dans des termes trop musicaux, etc., mais c'est des musiques modales, donc c'est des musiques qui sont basées sur des modes musicaux, qui se jouent un peu différemment de région en région, c'est-à-dire entre la Serbie et le Liban, c'est sûr que ça se joue différemment, mais il y a quand même une logique pareille, une logique pareille, ouais. Dans la construction de la musique, donc comment elle est interprétée, etc. Il y a quelque chose de commun à tous ces pays-là. Maintenant, après, il y a des styles différents et tout. Et du coup, dans ces styles, là, je parle plutôt au niveau des musiques plus ou moins traditionnelles. On a beaucoup écouté, joué, entendu des musiques de Turquie, des musiques autant rurales que des musiques savantes, des musiques populaires de Grèce. Des musiques de mariage des Balkans, des musiques classiques arabes. D'accord. Ça, c'est plutôt pour le background un peu traditionnel. Après, Stéphane, ça fait aussi très longtemps qu'il fait de la musique électronique. Il a toujours fait en parallèle de la musique électronique et des musiques traditionnelles. Donc lui, il ramène beaucoup plus cette influence en fait électronique. Il utilise aussi des synthés modulaires pour faire des drones, etc. Paul, il a beaucoup, lui, il est percussionniste. Il a beaucoup travaillé les musiques des Balkans, de Turquie, des musiques arabes aussi. Et puis, ouais, les deux, ils passent pas mal de temps en fait dans les Balkans et en Turquie aussi. Moi, je suis beaucoup plus lié à la Grèce, mais du coup, à tout ce qui est autour de la Grèce aussi, quoi. Donc c'est un peu ces musiques-là. Donc maintenant, après, ça, c'est les musiques traditionnelles qui nous inspirent, qu'on a travaillé, qu'on a écouté, auxquelles on s'est intéressé pendant pas mal d'années. Maintenant, il y a pas mal de choses autres qui nous inspirent aussi, quoi. Ça peut partir du hip-hop à la trap, à des musiques électroniques, à du rock des années 70 aussi beaucoup. Donc il y a plein de choses en fait qui nous inspirent par rapport à ça. Ok. Et du coup, Christos, comment vous vous définissez alors ? Comment vous définissez la base ? Eh ben du coup, c'est pas, vu ce que je viens de dire, c'est pas évident de définir la base. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, bah du coup on a fait une sorte de série de petits descriptions qui pourraient, si on les met toutes ensemble, coller. Ouais. Du coup avec des trucs qui sont plus ou moins des blagues, hein, mais du coup il y a un peu, on parle un peu de cette musique là qui nous inspire, même si c'est pas du tout ça qu'on joue, qui est le talava, qui est des musiques de à la base albanaise, mais qui est devenue la musique à la mode parmi tous les Roms des Balkans. C'est vraiment la musique des mariages et des fêtes. Donc je crois qu'on va en écouter un extrait un peu plus tard. Alors Christos, je me permets, ouais, tu peux finir ta phrase et je pense qu'on pourra enchaîner sur les extraits pour que les auditeurs puissent bien comprendre et assimiler ce qui va avec du quoi coup, comme influence. Ouais. Bah ouais, par exemple là du coup on peut écouter, il y a une musique qu'on aime beaucoup, qui est une musique très très virtuose et qui est une musique à la base albanaise qui n'était pas hyper virtuose à la base, qui est devenue de plus en plus virtuose et qui a commencé à se répandre dans tous les Balkans parmi la communauté rome principalement, et qui est beaucoup jouée dans les mariages. Non, donc en fait c'est une musique de maintenant, c'est pas du tout une musique du début de siècle ou je ne sais quoi. Donc c'est une musique très très virtuose avec des batteries électroniques, okay. Pas des batteries acoustiques, avec souvent des solistes très très virtuoses au saxophone, à la clarinette, au synthé aussi. Donc là, on peut écouter un extrait. Du coup, on a choisi un morceau de Azating, qui est un rom macédonien, qui est un des gars et un virtuose aussi, un des gars les plus représentatifs un peu du style dans les Balkans en ce moment, avec son orchestre, quoi, du coup. Eh ben allez, c'est parti pour le premier extrait de Azating, Kinzadolzitelno. Et c'est parti. We'll be right back. Le premier groupe qui influence la base, c'était, et j'ai plus le nom, Azad King. Ouais, son orchestre. Ouais. Tu peux nous en redire deux mots dessus, s'il te plaît, Christos ? Bah, du coup, c'est pas automatiquement Azad King qui nous inspire, en fait. C'est plutôt le style de musique. Après, eux, ils sont très très bons. Du coup, c'est ouais, comme je disais, c'est des musiques de mariage, de fête, très virtuoses, super dansantes, super bruit. Ouais. Et bah, c'est pour ça qu'on aime bien. Ouais. Ouais, et qui sont aussi un peu modernisées, donc c'est pas mal, quoi. Ça s'accorde. Ça s'accorde aux jeunes, on va dire. Ouais, non, c'est pas une musique. Je sais pas, eux, ils s'en foutent complètement de qu'est-ce qui est considéré comme trad ou pas par des ethnomusicologues européens. Du coup, en fait, bah voilà, il y a des batteries électroniques, il y a des sons électroniques, ils font comme ils trouvent que ça sonne bien, et moi je trouve que ça sonne super bien. Ok, ok. Eh ben, c'était super chouette et merci de la découverte. Du coup, tu pourrais nous dire autre chose sur les genres musicaux qui vous influencent ou sur les artistes, ou t'aurais autre chose à nous faire découvrir? Il y a un autre truc qu'on a beaucoup écouté, qu'on aime beaucoup, c'est plus rock. C'est un peu toute la mouvance de rock turc psychédélique des années 70, qui a une histoire assez particulière. Où, du coup, en fait, c'est une musique. Donc, il y a eu tout un passage comme ça où ils ont beaucoup écouté le rock psychédélique américain, européen, en Turquie. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là-bas dans ces années-là. Et du coup, ils ont commencé, en fait, à jouer ces musiques-là. Mais bon, je passe un peu les détails. Mais du coup, ils ont commencé à jouer du rock un peu psychédélique en chantant en turc, en reprenant des fois des morceaux trad, en composant d'autres, en utilisant des instruments aussi trad dans un trio rock, par exemple. Donc, ils vont utiliser un saz électrique ou du synthé avec un trio, basse, batterie, guitare, etc. Et du coup, c'est pas un truc qu'on va entendre directement, je pense, dans la base. C'est un truc, le côté un peu psychédélique, la façon dont on utilise des instruments traditionnels, qu'on modifie avec des effets, etc. Il y a une dimension un peu psychédélique des années 70 qu'on aime bien là-dedans. Et là, j'avais envie de vous faire écouter un groupe qui date pas des années 70, qui est récent. C'est Derya Yildirim, qui est la chanteuse, qui est turque d'Allemagne, et le groupe Şimşek. Et c'est un morceau qui s'appelle Nem Kalbe. Et du coup, ça, c'est un morceau qui date de cette époque-là, qu'eux, ils ont rejoué. Et du coup, c'est pas le morceau le plus psychédélique de ce répertoire-là, mais c'est très beau. J'adore comment elle chante et comment ils jouent. Et voilà, ça montre un peu ces années-là, quoi. Ok. Du coup, c'est un cover. Alors, c'est un cover de la chanteuse, de Derya. C'est ça. Ok. Et ben, c'est parti. On le passe maintenant. Ok. Ouais, chouette. Nem Kaldi, c'est parti. Parsel, parsel eyle Messieurs, dames, vous êtes toujours en direct de l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par Les Mondes l'Utopie. Donc aujourd'hui, on vous parle de notre prochain événement, repas-concert, le 4 avril, à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Rochesson. Vous pourrez découvrir deux groupes, Molo Sayat et La Base. Et on est tout de suite en direct avec... Christos ! Oui, c'est moi. Alors Christos, eh ben dis donc, il est génial ce deuxième extrait que tu nous as fait écouter. Enfin, ce groupe d'influence. Parce que moi, j'adore aussi. Enfin, Moi, je connaissais déjà. Tu connais. Waouh. Bah, Flo, il connaît tout, de toute façon. Alors, eh ben, on va continuer dans vos influences et les artistes que vous avez beaucoup écoutés et qui vous ont influencé pour vos compos actuels. Alors, du coup, là, j'avais envie de faire écouter un autre truc qui est pas un truc très, très ancien. Et c'est pas complètement une influence. C'est juste qu'il fait partie d'une scène, en tout cas, que nous, on écoute beaucoup. Vas-y, raconte. Donc le groupe s'appelle R808. C'est Sofiane Ben Youssef, c'est un Tunisien qui est basé en Belgique, si je ne me trompe pas. Ouais. Et du coup, il y a vraiment cette idée de mélange de son électronique, de beat électronique avec des instruments trad, et de revisiter ça comme ça. Et je trouve ça le résultat super chouette, je trouve ça hyper dansant, super classe. Et donc c'est pas quelque chose qu'on écoute en se disant on veut faire la même chose, mais c'est en tout cas c'est partie d'une scène que nous on aime beaucoup et qui se développe et on est super content pour ça. Ok. Et donc on va l'écouter maintenant, Amar 808, Ain et Souda. C'est parti. C'est ça. Allez, on essaye. جاتك شلايا وبنية تملا جاتك شلايا هي بنية تملا وشعرها مدار بيتو بالحملة مشتاتو طايا طاح في اللطا شرقي جابت ولايا هاريا حجاه جابت ولايا هاريا حجاه سلم العلايا هاي زرق الوشمة صايم رمضايا نواش الكلاه صغرى مشايا هاي احلي ريقي ما صغرى مشايا هاي احلي ريقي ما حالي الخايا هاتم من ايدي حش من ايقايا دام النساء tous là ? Oui, oui, oui. Flo, t'es là aussi, ouais, je suis là, là aussi, ouais. Tout va bien. Mais super groupe, ils sont de quel pays ? Enfin, ils sont basés où, à Mar 808 ? Ah ben, bah, elle écoute vraiment pas ce que non, tu mais, dis. Non, hein. Mais bah non, bah non, du coup, j'ai pas écouté. En Belgique et il est tunisien. Ouais, c'est un... Belgique et tunisien. Si je me trompe pas, Stéphane, il est basé en... Il est, c'est un tunisien basé en, à Bruxelles. Et après, les chanteurs avec qui il a bossé, si je me trompe pas, c'est tunisien et algérien, quoi. Ah bah c'est super, à part le clip qui est un petit peu bizarre, mais sinon la musique est super chouette. Ok, ça va. Voilà, et oui, donc du coup je vais passer à une autre question, Christos, à moins que tu aies autre chose à nous dire sur vos influences et sur les artistes qui vous inspirent. Non, dis-moi. Eh ben, je me suis renseignée un petit peu sur vous, donc normal, et j'ai vu que vous vous décriviez, entre autres, comme un groupe qui appartenait au genre belly dance. Donc moi, oui. Ça m'a interpellé, ce genre belly dance. Tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce que c'est ? C'est votre côté un peu pitchoun. Oui, alors c'est... alors, comment dire ? Déjà, en fait, on parle pas vraiment de belly dance, on fait plutôt la blague du post-belly dance. Ouais, oui, exact. Exact, du post-belly dance. Déjà, encore, encore plus. Donc le post-belly dance. Ce terme-là, déjà, avec le post devant, je pense qu'il évoque déjà un peu le côté ironique et blague. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce terme belly dance, il est quand même, il est pas toujours super funky, quoi. C'est un terme quand même assez biaisé. D'ailleurs, je voulais proposer aussi d'écouter un podcast super intéressant qui s'appelle Tarab, qui est produit par Binge Audio. C'est Laila Israr qui fait ça. Elle a fait un épisode sur la danse orientale, concept occidental, et c'est assez intéressant. Donc, je conseille à tout le monde d'écouter ça. Au-delà de ça, du coup, c'est vrai que le belly dance, ça évoque plein de trucs qui sont pas automatiquement, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est un peu une vision occidentale de comment on voit. C'est un peu de l'orientalisme quand même, quoi. La notion de belly dance, faut le dire. Il y a un côté un peu aussi sexiste d'une femme à moitié nue qui se trémousse devant, j'imagine, des hommes qui la regardent. Oui, donc c'est pas tellement ça l'idée. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de... moi, en fait, il y a un autre truc que ça m'évoque, le terme belly dance, qui est pour moi assez kitsch et pétri de clichés comme ça. Ça me rappelle pas mal les compiles que je dénichais de cassettes ou de CD... en Turquie, en Grèce, ailleurs, où il y a, en fait, c'était des compiles super kitsch, belly dance, hit, je sais pas quoi. Et en fait, au final, c'était souvent des morceaux hyper dansants, hyper classe. Du coup, ça me rappelle un peu ça. C'est ça qui m'a donné envie un peu. Et après, il y a ce truc de, avec le post, il y a l'idée un peu de dépasser, en fait. Donc ça évoque, en fait, ces musiques super dansantes qui viennent de la Méditerranée, disons. En disant en fait que ok, en fait on est en train d'essayer de dépasser tous les clichés de ce terme là en essayant de dépasser et d'en faire un peu une blague, quoi. Ok, d'accord, ouais, donc tu bouges ton corps mais c'est sans cliché, quoi, maintenant. C'est une musique pour l'idée, bouger son corps, ça, mais sans cliché, voilà. Le post-belly dance. Voilà, l'idée, c'est de dépasser l'orientalisme, de dépasser le côté d'une femme à moitié nue qui danse devant des hommes. Enfin, voilà, c'est de dépasser un peu ce truc-là. C'est juste de dire, en fait, on va tous bouger nos boules et ça va être super chouette, on va faire une fête, quoi. C'est carrément. Eh ben, super. Alors, Christos, quelle est l'actualité de votre groupe en ce moment ? Alors du coup, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Donc il y a ce concert en avril dont on a parlé. Il y a plusieurs concerts en Alsace en mai. D'accord. Donc, on va jouer à la foire Ecobio de Colmar. On va jouer au festival Passe à Strasbourg, au pont des Deux-Rives là. On va jouer aussi en juin au festival Contretemps, qui est aussi à Strasbourg, qui est plutôt musique électronique. Il y a plusieurs choses qui se passent comme ça. On a aussi prévu, a priori, d'enregistrer un nouvel EP, un 4 titres, avec peut-être un peu des surprises. Ça va être en mai aussi, si tout va bien. Trop bien. Donc, je sais pas encore quand ça va sortir, mais voilà, ça c'est un peu les projets de maman. Et vous avez un site internet ou nos... Alors, pour l'instant, il y a un Facebook, il y a une page Instagram et il y a un Bandcamp. Eh ben, super. Et est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose que tu voudrais qu'on entende sur votre groupe ou... En fait, il y a un truc qui ressemble un peu à ce truc de à la question sur le belly dance, un peu cette histoire de world music ou de musique du monde, qui est pour moi aussi, en fait, c'est des trucs qu'on nous a déjà collés sans qu'on le veuille et qu'on va encore nous mettre dessus, je pense, oui. Sur la musique qu'on fait, et qui pour moi me pose pas mal de questions et pas mal de problèmes, en fait, comme terme. Dans le sens où c'est, ça m'a toujours posé problème. J'ai jamais très bien compris ce terme de world music ou de musique du monde. Dans le sens où c'est déjà un truc, un concept d'occidental. Dans le sens où tout ce qui n'est pas occidental est de la musique du monde. Donc à la limite, on n'a même pas eu la décence de dire des mondes. Mais du coup, pour moi, c'est comme si on disait en fait, c'est la musique européenne, occidentale, pop, et puis il y a la musique du tiers monde, quoi. Okay, voilà, okay. Donc c'est même pas la musique du monde, c'est la musique du tiers monde. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de gros magma de musique qui passe pas les frontières européennes, et là-dedans il y a tout et n'importe quoi, avec chacun qui met ses notions de pureté, etc. Du coup, ouais, ça c'est un truc où je pense que ça pourrait être chouette que tous les gens qui s'intéressent à des musiques trad en jouent, en écoutent, en programme, etc. On se pose un peu la question de ce terme-là, et j'avoue, ça fait longtemps, je pense, qu'il y a des gens qui écrivent des choses là-dessus, et ça me paraît presque étonnant encore qu'on utilise encore le mot, en fait, ce concept-là, quoi. Ok, Christos. Voilà. Une petite parenthèse, c'est que je t'avais préparé une question avec le terme world music, et en fait, je ne te l'ai pas posé, et j'ai trop bien fait de ne pas te la poser, et c'est trop... Mais non, cool. Mais justement, j'en ai parlé parce que tu ne me l'as pas posé. Et c'est très bien que t'en parles comme ça. Ok. Oui, mais ça a rien de... Voilà, c'est pas... Ah, mais j'entends parfaitement, et c'est ton point de vue. C'est pas... Ouais. Et c'est ton point de vue, et c'est très bien que tu l'exprimes. C'est parce qu'on a tous une définition peut-être différente, toi, de on va dire ce genre, on peut dire peut-être ça comme ça, de ce genre musical, mais c'est très bien que tu exprimes le tien. Bah, le problème pour moi, c'est que c'est pas un genre, c'est ça la question, en fait. Oui, c'est la base du problème, en fait. Oui, c'est un thème musical qui est très vaste. Après, chacun a sa définition. Ouais. Pour toi, c'est réducteur, quoi, Christos. Pourtant, on devrait plus préciser de quelle partie du monde. Oui, enfin, juste quelqu'un qui fait de la musique de je ne sais où, de quelle île, de comment il la joue. C'est déjà lui qui définit. De laisser un peu la place aux artistes qui viennent de partout, de pouvoir définir la propre musique. Et aussi de ne pas avoir cette vision un peu orientalisante, postcolonialiste, de dire... Ok, toi tu viens d'ailleurs d'Europe ou du monde occidental, donc tu fais de la musique du monde. Ou quand on joue une musique d'un certain endroit ou d'une certaine façon, on fait de la musique du monde. Ça, pour moi, c'est un truc que je trouve... C'est un concept bizarre, je trouve. Voilà, chacun voit comme il le souhaite, mais je trouve ça bizarre. Eh ben, je te remercie d'avoir dit ton avis, parce que c'est super important qu'on débatte là-dessus. Des fois. Je pense aussi, mais c'est vrai, c'est bien qu'on en discute. Ouais, en fait, la world music, c'est un gros sac dans lequel on peut parfois placer pas mal de choses, quoi. Ouais, après, il y a des... Je sais pas si on peut en parler plus, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes beaucoup plus... peut-être un peu plus importants encore à ça. C'est-à-dire que le concept, c'est pas juste un mot. C'est-à-dire qu'en fait, il englobe plein de choses, et ça englobait aussi des actions, en fait, ce mot-là. C'est-à-dire que c'était un mot... c'était vraiment un mot concept un peu aussi de producteur, c'est-à-dire on va prendre un malien, qui joue de la kora, on va mettre un mec qui joue de je sais pas quoi, de la harpe suédoise, et puis on va mettre un batteur de jazz, et puis c'est devenu, bon, c'est un peu dépassé ce truc là mais c'est un peu des concepts de producteur, ça, et pense que on a c'est un peu dépassé maintenant ce genre de situation, j'espère. Bon, quand vous viendrez, on ne fera pas la gaffe, on ne dira pas le mot world music. On décrira mieux, ça sera trop chouette. Ah bah si, moi je le dirai. La World Music et le groupe de World Music, la base. On débattra ensemble sur chacun sa vision. Ça marche. Au micro, sur scène, on fera ça. Ouais. Et Christos, tu avais autre chose à rajouter? Je voulais juste dire que ça m'a fait plaisir d'être avec vous, et je trouve ça super chouette de vous organiser des événements comme ça. Plaisir partagé. Cool. Un flow. Ouais, plaisir partagé, carrément. Et moi, je voulais juste aborder ce petit sujet par rapport au lien intime que vous avez avec Molo Sayat. Et en fait, vous veniez jouer la même soirée qu'ils viennent jouer. Et donc, du coup, je voulais que tu nous racontes un peu qu'est-ce qui vous lie avec Molo Sayat et pourquoi... je vais peut-être dévoiler quelque chose, mais pourquoi vous voulez faire une résidence ensemble ? Des secrets. Je suis pas au courant. En fait, je pense que c'est un lien d'amitié, d'amour, de joie en fait qui nous lie tous. Et on n'a jamais eu l'occasion de jouer ensemble la même soirée. Le groupe de Molotayat, en fait, ça fait longtemps qu'il existe, mais à cause de problèmes géographiques, d'Europe Forteresse, etc., en fait, ça, le groupe a dû s'arrêter pendant quelques temps et jouer un peu à distance. Donc là, on est super content qu'ils relancent le projet, qu'ils refassent des trucs, qu'ils composent et tout, et on est hyper content de pouvoir jouer la même soirée ensemble, parce que c'est des gens adorables, super chouettes, super bons musiciens, et on se connaît depuis pas mal de temps. Et voilà, quoi, du coup, ça nous fait super plaisir, quoi. Okay. On n'a pas entendu ta dernière phrase. Enfin, moi, du moins, je ne l'ai pas entendu. Ça nous fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Ok, ça roule. Et vous... Ok. Bon, on discutera hors antenne. D'accord, ça marche. Ben, hors antenne, ouais, mais là, on va raccrocher. Hein. Donc, une prochaine fois. Tu mets ça marche, avec plaisir. Voilà. Eh ben, Christos, on te remercie beaucoup d'avoir été présent. Ça marche, merci beaucoup à vous d'avoir invité. D'avoir été présent pour cette interview. Je vais te demander quand même ton petit coup de cœur musical, si tu en as un à nous partager. Et si j'ai le temps, je le passerai en fin d'émission. Et si, sinon, je le posterai sur la page, vu que là, on en parle à la radio. Allô, ben, moi, allô? J'ai envie de, j'ai envie de faire écouter un groupe qui s'appelle Guess What. C'est un duo batterie et synthé mélodica org. Ils ont fait plusieurs albums assez concept, donc ils prennent souvent ou un personnage ou une thématique un peu, et ils font tout un album là-dessus, quoi. Donc ils ont fait sur Gagarine un album, ils ont fait l'album dont voilà dont j'ai choisi l'extrait, c'est un album qui s'appelle Al Khawarizmi, je le prononce sûrement mal, qui est un mathématicien astronome persan, très ancien, et le morceau s'appelle aussi pareil, c'est le nom de l'album. Et du coup, j'avoue qu'il existe depuis longtemps, que je trouve super classe. Tout cet album-là est super classe, les autres aussi. Et voilà. Eh ben, au plaisir de découvrir ton coup de cœur. Eh ben, Christos, sur ce, on va raccrocher. Ok, très bien. T'avais une dernière chose à rajouter ? Non, juste de la joie. On te fait des gros bisous, on te souhaite une belle journée, et on te dit à dans 3 semaines. Ça marche, au revoir, à bientôt. Bisous, bisous. Ciao. Du coup, Flo, nous, on passe à Lolomis, comment on fait ? Allez, on passe à Lolomis. Donc, du coup, après vous avoir présenté Molotayat et la base, eh ben moi, je voulais vous présenter la petite pépite qui passe ce vendredi soir à la Souris Verte à Épinal. Donc, je vous invite tous à venir découvrir Lolomis. C'est un coup de cœur pour nous. Ça fait quelques années qu'on les suit et qu'on est en lien ensemble. Donc voilà, Lolomis, après, c'est la sortie de leur troisième opus que vous pourrez découvrir en exclusivité, parce que ça va être la première date du troisième album de la sortie. Donc voilà, je vais vous lire une petite présentation de ce troisième album et on va écouter quelques morceaux à découvrir en exclusivité ce vendredi soir à 20h30 à la Souris Verte à Épinal. Venez nombreux, ça va envoyer du lourd. Lolomis qui présente son nouvel album Red Sonja. C'est un bass-tringue moderne et féminin où virevoltent des petites histoires de vie ou grandes émotions. Porté par des rêveuses raffinées, héroïnes facétieuses ou tenues, chamanes puissantes, jeunes femmes impétueuses ou séductrices chevronnées, la fougue de Red Sonja s'inspire de l'héroïne éponyme. Red naît dans une nouvelle de science-fiction de Robert Howard dans les années 30. Marvel en récupère ensuite les droits pour transformer la guerrière rouge en femme hypersexualisée. Vêtue d'un bikini de côte de maille, elle gardera néanmoins son passé valeureux. Pour Lolomis, il leur paraissait judicieux de s'emparer à leur tour de cette figure afin de redonner la place à celles qui l'ont trop souvent perdue. Pour ouvrir... voilà. Roman Claudel Ferraghi, originaire de Vanier, violoniste à la base, chanteuse incroyable aujourd'hui. Je vous invite à venir les découvrir sur scène. Ils sont en résidence toute la semaine à la Souris Verte. Donc voilà, venez découvrir Lolomis vendredi soir à la Souris Verte. On écoute tout de suite un extrait de Lolomis qui s'appelle Bindis. C'est parti, Bindis. C'était Lolomis, Bindis, et maintenant on va passer tout de suite à un deuxième extrait du nouvel album de Lolomis, Akko. Et c'est parti! Abdul Rahim Zahar, innam ke osanas bomne. Çeşitli Ah, kavram Gim, zaginam Ne, madame Jolite, na Pirtisi, ri Navino, ske Arşite, gi Çeşitli C'était Akko, l'extrait du nouvel album de Lolomis qui passe ce vendredi à la Souris Verte. On vous invite tous à aller les voir. Romane, la chanteuse, est originaire de Vanier et c'est un groupe super, super chouette. Et on a vraiment de la chance qu'il passe à la Souris Verte. Voilà, voilà. Sinon, on va faire un petit récapitulatif de cette émission. On va vous réinviter à Repas Concert. Donc Repas Concert, le deuxième événement de l'association Les Mondes d'Utopie, qui se déroulera le 4 avril à Rochesson. Donc Repas Concert sous le signe des Balkans cette fois-ci, avec au menu une salade composée de l'Est, un beurrec et sa viande, un dessert, un gâteau fait maison aux douces notes de fleurs d'oranger, d'amande et de miel. Les deux concerts seront Molo Sayat et La Base. Et les tarifs sont de 12 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents. Et les concerts seuls, c'est 6 € pour les adhérents et 8 € pour les non-adhérents. Voilà, voilà, les réservations sont fortement conseillées au 07 67 74 61 21. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Facebook des Mondes d'Utopie et sur le site internet des Mondes d'Utopie, lesmondesdutopie.fr. Et on va terminer cette émission avec le coup de cœur du deuxième groupe de notre soirée repas-concert, le coup de cœur de La Base. Le groupe se nomme Guest What? Et le nom de la chanson, c'est Al Kawarizmi. C'est parti, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et on vous dit à dans 3 semaines à Repas Concert. Salut tout le monde!